franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1940, l'homme qui a dit non. Mai 1940, à une vitesse prodigieuse, les troupes allemandes envahissent la France et en quelques semaines mettent en déroute l'armée française. La première armée du monde, disait-on. Des millions de Français en état de choc, femmes, hommes, enfants, vieillards, s'enfuient sur les routes. À Paris, alors que l'ennemi approche dangereusement, le gouvernement lui aussi fait ses valises et tente de tenir la barre. Mais le long de la route, qui de sous-préfecture en Château de la Loire le conduira à Bordeaux, le gouvernement, des hommes du passé enfermés dans de vieux réflexes, n'arrive pas à faire face. Pire, profitant du naufrage, les défaitistes, vieux ennemis de la République, réunis autour de Pétain et de Végan, vont tout faire pour amener la France à signer un armistice avec Hitler. Le 17 juin 1940, alors que le camp de l'armistice vient de l'emporter, un homme, chargé d'espoir, mais seul, s'envole vers l'Angleterre. L'homme du destin, dira le vieux Churchill. C'est à travers les yeux de Charles de Gaulle, vous l'avez bien sûr reconnu, que je vais raconter cette histoire qui, plus de 70 ans après, n'en finit pas de nous hanter. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Jean-Yves Naour, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Les auditeurs de France Inter et d'Autant n'emporte l'histoire vous connaissent bien. Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Vous êtes l'auteur de l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, le scénariste. Et une histoire qui a fait aussi l'objet d'une BD, je la citerai tout à l'heure. L'année dernière, vous aviez écrit un scénario sur un autre épisode de la vie de Charles de Gaulle pour nous. Donc c'est sa jeunesse, quand il était prisonnier des Allemands durant la guerre 14-18. Ce personnage décidé on n'en finit pas de fasciner. Hein, pendant la dernière campagne présidentielle, tous les candidats ou presque se réclamaient de lui. Or, vous aussi, bon, je ne vais pas dire que vous vous réclamez de lui, Jean-Yves Le Naour, mais en tout cas, ce personnage vous passionne. Oui, vous avez raison de dire que l'historien ne se réclame de personne, mais comme vous le soulignez, effectivement, de Mélenchon à Marine Le Pen, tout le monde s'est revendiqué de Gaulle. C'est parce qu'en fait, il y a de multiples De Gaulle, comme il y a de multiples Clémenceau, il y avait celui de Jacques, celui de 1917, et bien là, De Gaulle aussi, c'est pareil, il y a celui du 18 juin, il y a celui de mai 58, hein, de son retour, il y a celui de mai 68, ce ne sont pas les mêmes à chaque fois, donc il y a ceux qui, évidemment, se sont levés contre lui, mais ce personnage fascine parce que, bon, bien sûr, il a un côté mégalomane, sans doute. À 15 ans, il imaginait qu'il allait sauver la France, hein, dans des petits récits qu'il inventait. Et puis, il est seul. C'est cet homme seul qui est derrière son micro, ça, ce 18 juin, et qui invente la résistance, qui dit « Je suis la vraie France », la vraie France qui n'abdique pas, la vraie France, elle est debout. Alors qu'il y a 40 millions de Français qui sont derrière Pétain, qui le reconnaissent comme l'homme providentiel, le sauveur. Hein, il se trompe, bien sûr, c'est une planche pourrie, Pétain, ce n'est pas cette planche de salut, mais lui, il est tout seul. Il n'y a personne derrière lui et il dit « Je suis la France ». Oui, c'est fascinant. Fou. Oui. Et qu'y a-t-il de commun entre le De Gaulle de 1918 et celui de 40? Eh bien, je crois que s'il n'y avait pas eu le De Gaulle de 1916-1918, il n'y aurait jamais eu le De Gaulle de 40. C'est-à-dire que dans la captivité, De Gaulle a beaucoup lu. Oui, il a été prisonnier des Allemands. Voilà, il a été prisonnier à Verdun en mars 1916, puis il a tenté à de multiples reprises de s'évader, mais il a eu le temps dans sa captivité de lire énormément d'histoire, notamment de philosophie, etc., et de réfléchir. Et il écrit à sa mère, en 1918, pour bien agir, il faut savoir bien penser. Et je vais forcé de savoir bien penser. C'est-à-dire que il va penser et surtout il va se mettre à penser contre. C'est-à-dire qu'il va réfléchir sur la stratégie et oser s'opposer au grand chef, oser proposer d'autres stratégies. Et il va être un petit peu le mouton noir. De Gaulle est un conservateur et en même temps c'est un rebelle. Oui, c'est ça, je vous ai dit, il y a de multiples De Gaulle, bien sûr, que sur le plan politique, incontestablement, c'est un conservateur, et en même temps, il fréquente, y compris Léon Blum, quand il cherche à le convaincre de créer des unités blindées, concentrées, au lieu de dispatcher les chars en appui de l'infanterie. Et effectivement, c'est le rebelle en juin 40, mais pas seulement en juin 40. Il s'opposera à l'armée en Algérie, bien sûr, cette armée qui défendait l'Algérie française, il va la mettre au pas, donc c'est très étant, en fait, c'est plus un politique qu'un militaire. Alors, l'histoire que je vais raconter dans un instant commence en octobre 1939. Quelle est la situation de la France à ce moment-là, brièvement, Jean-Yves Le Naour? C'est un pays qui est très divisé politiquement, et on peut dire que c'est historique. La France est un pays de guerre civile depuis la Révolution. Mais le fossé s'élargit véritablement en 1936 avec le Front Populaire, puisque vous avez d'un côté la droite qui considère que la gauche socialiste et communiste fait le lit de la soviétisation de la France, et de l'autre côté la gauche qui considère la droite comme, comment dire, de passion pro-fasciste, de sympathie pro-franquiste, hein, bien sûr, notamment avec la guerre en Espagne qui refuse l'intervention, etc. Donc le fossé est en train de s'agrandir. On a interdit les ligues d'extrême droite en 1936, mais ces ligues se sont reformées en partie. Le PPF de Doriot vient d'apparaître, il y a le PSF de Delarocque qui prend une grande ampleur, qui revendique 1 million d'adhérents en 1939. Donc vous avez une extrême droite très puissante qui monte, vous avez le Parti communiste qui est en train de monter. On voit bien que on marche vers une sorte de guerre civile. Et l'exemple, c'est en mars 38, quand Léon Blum veut faire un gouvernement d'union nationale qui irait de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche pour faire face à l'Allemagne nazie. Eh bien, la droite refuse d'y entrer, hein, avec son slogan « Mieux vaut Hitler ». Que le Front Populaire, mieux vaut Hitler que Blum. Vous voyez, le niveau de désunion nationale, le niveau de haine nationale, on ne voit pas que le péril, c'est l'Allemagne. Merci Jean-Yves Le Naour. Si vous le voulez bien, nous reprendrons ces discussions dans environ 30 minutes. Tout de suite, 1940, L'homme qui a dit non, un texte de vous, Jean-Yves Le Naour. La réalisation est signée Baptiste Guiton. Eh bien voilà, nous y sommes. Je l'ai écrit en 1919, il y a 20 ans de cela. Nous avons gagné la guerre, mais nous avons perdu la paix. Comme j'aurais voulu avoir tort. Notre paix n'a été qu'une vieille couverture, jetée hâtivement sur des ambitions non satisfaites et des haines nationales non éteintes. Le sang a séché et une nouvelle moisson est en route. La guerre est là et nous ne sommes pas prêts. Bon sang, je suis fatigué. Est-il encore temps de corriger les erreurs qui ont été commises? Je n'en sais rien. Nous marchons sur un fil, au milieu du vide. L'abîme est tout proche. Mon pauvre pays. Y a-t-il donc quelqu'un qui sache vouloir? 23 octobre 1939. La France est en guerre depuis près de 2 mois. Paralysé par le souvenir terrifiant de la boucherie de 14-18, englué dans sa stratégie défensive, l'armée française attend l'ennemi derrière la grande tranchée fortifiée de la ligne Maginot. Qu'ils y viennent, les Boches, qu'ils y viennent, on saura les recevoir. Mais ils ne viennent pas. Alors, l'armée française attend. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre, qui n'a de drôle que le nom. Un homme, un militaire, se désespère des choix attentistes des grands manitous de l'état-major. Un petit colonel qui, depuis des années, dans ses écrits, milite pour une stratégie offensive fondée sur la concentration des blindés. Il a remué ciel et terre, plaidé auprès des généraux et des ministres, mais n'a réussi qu'à s'attirer le mépris des vieilles badernes à feuilles de chêne et les excuses impuissantes des politiques qui n'osent pas contredire les plans de l'état-major. Le nom de ce trublion, Charles de Gaulle. Ce 23 octobre 1939, le président de la République en personne, Albert Lebrun, vient passer en revue son régiment de chars. Colonel, vos troupes sont impeccables. Je vous félicite. Vous m'en voyez fort heureux, monsieur le président de la République. Vous savez, vos idées me sont parfaitement connues. J'ai lu autrefois votre ouvrage sur l'armée de métier. Vos thèses sont, originales et, très intéressantes. Elles ne sont malheureusement pas appliquées à l'état-major. Mais peut-être qu'avec votre appui, monsieur le président... Allons, colonel, vous ne pouvez pas demander au haut commandement de changer une stratégie qu'il met au point depuis des années. Et comme l'armée allemande applique vos théories... Mes idées n'étaient pas destinées à l'armée allemande, mais à l'armée française. Sans doute, sans doute. Mais il est trop tard. Non, monsieur le président. Nous pouvons encore éviter le désastre. Le désastre? Mais enfin, comment osez-vous? Vous parlez comme si nous allions perdre la guerre. Je vous dis que si nous persistons dans l'expectative et dans nos vieilles méthodes, nous sommes perdus. Il faut tout miser sur la force mécanique, la concentration des blindés. Ils nous enfonceront si nous ne sommes pas capables de les enfoncer nous-mêmes. Quelle insolence! Et c'est vous, le militaire, qui tenez de tels propos défaitistes? Vous n'êtes qu'un catastrophard. Vous m'entendez, De Gaulle ? Un catastrophard. C'est la meilleure. Celui qui voit juste est accusé de pessimisme. Il est le mouton noir, le fâcheux, l'enquiquineur. Ah oui, il est plus facile d'annoncer de bonnes nouvelles. On vous applaudit, on vous décore. Et pourtant, j'ai raison. Mais jouer les Cassandres ne me consolera pas de l'incendie de Troie. Oui, je tire la sonnette d'alarme. Je crie au loup et personne ne m'écoute. Enfin, pas tout à fait. Paul Reynaud m'écoute. Un brave type, ce Reynaud. Mais à l'heure des tempêtes, ce n'est pas d'un brave type dont on a besoin. Il faut savoir penser et surtout savoir agir. Reynaud voit juste, mais il est constamment en train d'hésiter. Le président du Conseil, Paul Reynaud, l'a promis. Fini l'attentisme, fini la drôle de guerre. Puisque les Allemands ne viennent pas à l'armée française, alors l'armée française viendra à eux. Le 21 mars 1940, le gouvernement Paul Reynaud est investi par 268 voix seulement. 156 députés ont voté contre et 111 se sont abstenus. C'est-à-dire qu'il ne dispose au fond que d'une seule voix de majorité. C'est peu pour diriger un pays en temps de guerre. La France est totalement divisée. Il y a ceux qui ne veulent surtout pas attaquer et ceux qui déjà voudraient s'entendre avec Hitler. Et il faut compter avec le haut commandement qui refuse d'obéir aux ordres de Reynaud. Pas question pour eux de mener des opérations offensives. On attendra, l'arme au pied, un point c'est tout. Alors arrive ce qui devait arriver. Le 9 mai 1940, lassé de la mauvaise volonté du commandant en chef, le général Gamelin, qui refuse d'attaquer, Paul Reynaud jette l'éponge. Il donne sa démission. Le lendemain, le 10 mai, les Allemands passent à l'offensive et Reynaud est bien forcé de reprendre sa démission pour que la France ait un gouvernement durant l'épreuve. Alors, colonel, quelle est la situation ? Très mauvaise, monsieur le président du Conseil. La Wehrmacht a percé dans les Ardennes, elle a contourné la ligne Maginot et elle avance à raison de 40 km par jour. Paris est donc menacé. Regardez la carte. Ce n'est pas Paris, leur objectif, mais Amiens, puis Abbeville. C'est-à-dire qu'ils vont nous couper en deux. Le gros de nos troupes et la totalité des forces britanniques vont se retrouver pris au piège dans le nord de la France. Les Fridolins n'auront plus qu'à serrer la corde dans laquelle nous avons passé le coup. Et ils nous étrangleront. Oui. Nous avons bien une guerre de retard. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'ai enfin un prétexte pour me débarrasser du général Gamelin. Je vous annonce que je vais nommer Weygand à sa place et remanier le gouvernement pour y faire entrer le maréchal Pétain. Weygand ? Pétain ? Mais ce sont des hommes du passé ! Ceux-là même qui nous ont conduits dans ce mauvais pas. De vieilles gloires, hypnotisées par les leçons de 14-18 et qui n'ont rien compris à la guerre moderne. Pétain est mort en 1925 et il ne le sait même pas. Ah, écoutez, De Gaulle, vous m'embêtez à la fin. La présence de Pétain au gouvernement rassurera l'opinion publique. Et puis je lui offre le poste de vice-président du Conseil. Un poste honorifique, sans responsabilité ni autorité. Vraiment, De Gaulle, vous comprenez rien à la politique. Je fais mon devoir. En attendant, faites le vôtre. Ma chère Yvonne. Ma chère Yvonne, on finit par me donner raison, mais il est bien tard. Trop tard, peut-être. Me voici à la tête d'une division cuirassée. Enfin, une division, c'est beaucoup dire. On m'a promis 500 chars... et je n'en ai même pas le tiers. Et c'est avec cet effectif réduit que je dois barrer la route au Panzer. On m'ordonne de mener une mission de retardement devant l'An pour permettre à nos forces du nord de la France de reculer et de sortir de la nasse. Me voici donc en pleine bagarre. Adieu, ma femme. Voici venue pour moi l'heure de vérité. Le 17 mai 1940, tandis que Paul Reynaud remanie son gouvernement et remplace le général Gamelin par Weygand, De Gaulle lance ses chars dans une contre-attaque à Montcornet. Pour la première fois, les panzers allemands sont arrêtés. Le colonel Motor, comme on l'appelle, vient de démontrer que les Français peuvent soutenir le duel avec l'ennemi pour peu qu'ils combattent à armes égales. Mais les Allemands font donner l'aviation. De Gaulle manque d'essence et en situation d'infériorité, il reçoit l'ordre de décrocher. Il est tout de même un des seuls officiers à avoir fait reculer l'ennemi depuis le début de la campagne et pour cette raison, il est promu général de brigade à titre temporaire. La situation est cependant dramatique. Le 20 mai, les Allemands entrent dans Amiens et leurs avant-gardes sont déjà devant Abbeville. Mon cher de Gaulle, je vous félicite pour votre réussite. Vous venez de démontrer de façon éclatante que vos théories étaient justes et fondées. Il est malheureux que l'on s'en aperçoive si tard. Général, je vous ai fait venir parce que j'ai confiance en vous. Parce que j'ai besoin de vous. J'aimerais vous avoir auprès de moi. Mais il m'a semblé que ni Pétain ni Weygand ne se réjouissaient de votre entrée au gouvernement. Cette option devant être écartée, accepteriez-vous de devenir le chef de mon cabinet militaire? Monsieur le président du Conseil, nous sommes au bord de l'abîme. Mon devoir m'interdit de venir auprès de vous comme conseiller irresponsable, chef de cabinet ou secrétaire de je ne sais quel comité théodule. Faites-moi entrer au gouvernement ou renvoyez-moi sur le champ de bataille. Vous voulez des responsabilités au moment où le navire prend l'eau? Vous êtes bien le seul. Je vais y réfléchir. Vous serez rapidement informé de ma décision. La situation empire d'heure en heure. Du 20 mai au 4 juin 1940, les forces franco-britanniques se retrouvent piégées dans la poche de Dunkerque. La Grande-Bretagne y envoie tous les navires qu'elle peut trouver et 300 000 hommes parviennent ainsi à échapper à la reddition en embarquant en catastrophe sous le feu des avions allemands. Mais ils doivent laisser sur place tout leur matériel. L'armée anglaise n'est pas battue, mais elle n'a plus les moyens de se battre. La défaite est désormais inévitable. La bataille de France est perdue. Maxime Weygand, qui vient d'être nommé, en est le premier convaincu. Dès le 25 mai, il souhaite que le gouvernement réclame l'armistice. Quant à Pétain, même sans pouvoir réel au sein du gouvernement, il devient le chef de file des partisans de l'arrêt des combats. Le 6 juin, Paul Reynaud appelle de Gaulle à entrer dans son gouvernement comme sous-secrétaire d'État à la guerre. Un gouvernement de plus en plus divisé entre ceux qui veulent continuer le combat et ceux qui acceptent de s'entendre avec Hitler. Enfin, Reynaud, pourquoi avez-vous fait entrer ce dindon dans votre cabinet? Je ne comprends pas de qui voulez-vous parler. De cette grande asperge de De Gaulle, un prétentieux qui se gobe. Et en plus, c'est un ingrat, une vipère que j'ai réchauffé dans mon sein. Un ingrat? Oui. Il devait m'écrire un ouvrage et il a refusé qu'il paraisse si son nom n'était pas sur la couverture. Un Jean Foutre, je vous dis. Oui, oui. Ben justement, le voici qui arrive. Bonjour, monsieur le président du Conseil. Mes respects, monsieur le maréchal. Secrétaire d'État, vous en avez fait du chemin depuis Verdun. Vous avez été fait prisonnier. Vous aussi, maréchal, vous en avez fait du chemin depuis 1916, quand vous étiez l'artisan de la défense nationale. Je vois que vous êtes devenu général, mais que valent les galons obtenus dans la défaite? N'est-ce pas dans la retraite d'août 1914 que vous êtes vous-même devenu général? Quelle effronté! S'il vous plaît, asseyez-vous, le Conseil des ministres va commencer. La parole est au général Weygand, qui nous a prié de l'entendre. Monsieur, je ne vous dissimulerai rien de la gravité de la situation. En vérité, notre résistance est désespérée. Pour éviter l'humiliation d'une capitulation rase campagne, pour épargner les souffrances et ménager l'avenir, je vous demande d'envisager l'éventualité d'un armistice. Ce n'est pas possible. Il a raison, nous sommes tués. L'armistice serait le déshonneur. Vous ne voulez donc pas voir la vérité en face? Général, un armistice est hors de question pour l'instant. Je vous le rappelle, nous avons signé une convention d'alliance avec la Grande-Bretagne qui nous interdit toute paix séparée. Oui. Nous ne serons pas parjure à notre parole. Général de Gaulle? Avez-vous étudié la possibilité d'un réduit breton? Un repli de nos forces en Bretagne. Nous avons ni les effectifs ni le matériel pour tenir un front de 200 kilomètres. Et sans ravitaillement, on ne tiendrait pas deux semaines. C'est une plaisanterie. Et un repli en Algérie. Nous pourrions sauver ce qui reste de notre armée et continuer la lutte à partir de l'Afrique du Nord. Et vous laisserez la France entière aux mains des Teutons? Non, c'est fini. Nous avons perdu. Il faut traiter. Monsieur le sous-secrétaire d'État, préfère se bercer d'illusions plutôt que d'affronter la réalité. Je vous l'avais dit, Pétain est le chef de file des défaitistes. Il vous savonne la planche et n'hésitera pas à vous pousser vers la sortie. Mieux vaut l'avoir dedans que dehors. Ici, je peux le neutraliser. Puissiez-vous avoir raison. Si Végan et Pétain considèrent la continuité de la lutte comme une ineptie, Reynaud envisage sérieusement la question du repli en Afrique du Nord. Mais pour sauver ce qui reste de l'armée française, il faut des bateaux et des avions pour tenir la chasse allemande à distance. Le soutien des Britanniques est donc essentiel. Et c'est de Gaulle, naturellement, qui est désigné pour se rendre à Londres afin de demander le soutien de Churchill. Avant de prendre l'avion pour l'Angleterre, il va à la rencontre de Végan, le 8 juin, dans son QG du château de Montry, avec l'espoir de le convaincre. Je trouve le commandant en chef calme et maître de lui. Mais quelques instants de conversation suffisent à me faire comprendre qu'il est résigné à la défaite et qu'on ne peut plus lui faire confiance. Vous voyez, je ne m'étais pas trompé, les Allemands attaquent sur la Somme. Soit, ils passent la Somme. Et après ? Après ? Eh bien, ils passeront la Marne et la Seine. Certainement. Et après ? Comment après ? Mais après, c'est fini. Fini ? Allons. Et notre empire, et l'Angleterre, et le monde, ce n'est qu'une bataille dans la guerre mondiale. L'empire ! L'empire ! De Gaulle, s'il vous plaît, cessez là vos enfantillages. Nous sommes battus. Quant à l'Angleterre, lorsque j'aurai déposé les armes, elle n'attendra pas 8 jours pour négocier avec le Reich. La guerre est terminée, vous m'entendez ? Terminée ! La discussion est vaine. Alors je reviens auprès de Paul Reynaud pour lui signifier que la continuation de la guerre nécessite le limogeage immédiat du général Végan. C'est impossible pour le moment. On ne change pas de chef au milieu de la bataille. Cela renforcerait la panique dans le pays. Ah oui, Reynaud est un fort honnête homme. Mais il ne sait pas décider. 9 juin 1940, la croix gammée flotte au sommet de la cathédrale de Rouen. Le 9 juin, de bonne heure, un avion m'a emporté à Londres. C'est incroyable. La capitale anglaise offre le spectacle de la tranquillité, presque de l'indifférence. Des promeneurs paisibles, des files devant les cinémas, des jeunes gens qui flirtent dans les parcs. Quel contraste avec Paris, en proie à la terreur, avec la France et ses 10 millions de pauvres gens jetés sur les routes, fuyant l'avancée des Allemands. Ici, pour un peu, on ne se croirait pas en guerre. Le Premier ministre Winston Churchill reçoit de Gaulle au 10 Downing Street. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Come on, Coco. Repeat after me. Bloody Nazis go to hell. Repeat, Coco. Hitler, son of a bitch. Oh, come on, you stupid bird. Oh, I'm sorry. Je vous ai pas entendu arriver. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, vous êtes au courant. La bataille de France est perdue. Nous devons envisager un repli de nos forces de l'autre côté de la Méditerranée. Veuillez pardonner mon perroquet, il est très mal éduqué. Ce perroquet se prénomme Charlie. Aux dernières nouvelles, il est toujours vivant, plus de 50 ans après la mort de Winston Churchill. Centenaire, il est le plus vieil oiseau du Royaume-Uni. Et si son plumage a perdu de sa superbe, il continue de temps à autre à débiter les insultes contre Hitler que son prestigieux maître lui apprenait à l'époque. Well, vous disiez, si l'on table sur l'évacuation de 500 000 hommes, il nous faudrait, bien sûr, l'appui de votre marine, mais aussi le concours de vos avions, qui retarderait l'avancée de l'ennemi et nous permettrait de rompre le combat plus facilement. Not a chance. Écoutez, général, vous le savez vous-même, la bataille de France est perdue. Et je ne veux pas sacrifier mon aviation sur une mission inutile. Dans quelques semaines, tout au plus, ce sera la bataille d'Angleterre et nous aurons besoin de tous nos avions si nous voulons la gagner. Je vous comprends, monsieur le Premier ministre. Un instant, général de Gaulle. J'ai entendu parler de rumeurs d'armistice en France. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Je puis vous assurer que jamais le gouvernement français ne se prêtera à un tel déshonneur. Ah, tant mieux. Il y a que de pourrait. Je lui ai dit ce que je pense, ce que je souhaite. Mais au fond de moi, je n'ai pas la même assurance. De retour en France, j'acquiers la certitude du naufrage. Le 10 juin est une journée d'agonie. Le gouvernement quitte Paris pour la vallée de la Loire, le front s'écroule et en plus, l'Italie fasciste nous déclare la guerre. Le coup de pied de l'âne, en quelque sorte. Pire encore, Végan fait irruption au ministère de la guerre, sans y avoir été convoqué. Et au milieu des cartons et de l'agitation des déménageurs, il se livre à un véritable chantage face à Paul Reynaud. J'assiste à la scène la plus indigne qui soit. C'est incroyable. Végan, vous me mettez en demeure de rechercher un armistice. Il n'existe pas d'autre solution. Si, il y a d'autres perspectives. Avez-vous quelque chose à proposer, monsieur le sous-secrétaire d'État? Une bataille de la Marne, peut-être? Le gouvernement n'a pas de proposition à faire, mais des ordres à donner. Et je compte qu'il les donnera. Petits hommes qui ne pensent pas en grand. Ces chefs ne voient que leur champ de bataille. Pas plus loin que le bout de leur nez, alors que la guerre est mondiale. Oui, le rétablissement de la Marne est possible, mais de l'autre côté de la Méditerranée. 11 juin 1940, les Allemands entrent dans la ville de Reims. Le délitement continue. Le 11 juin, à la conférence interalliée organisée sur la Loire au château du Muguet, la honte me submerge. Churchill, que nous devrions soutenir et embrasser, y est malmené. On l'accuse d'abandonner la France à son sort, de conserver égoïstement ses avions. Et ce vieux débris de maréchal se remet à parler de 14-18. En mars 1918, en Picardie, quand les Allemands ont attaqué et que vous, Anglais, avez été enfoncés, je suis venu à votre secours avec 40 divisions. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes mis en pièces. Où sont vos divisions? Hein? Où sont-elles? Churchill est gêné, attristé. Je le vois, il sent bien les divisions du gouvernement français. Et ne souhaitant surtout pas les renforcer, se contente de répéter sa position. Si nous engageons nos forces en France, nous serons battus et Hitler aura tout gagné. Vous devez comprendre que pour la France, la seule chance de vaincre est désormais en Grande-Bretagne. Vous êtes donc de bien piètres alliés. D'ailleurs, depuis Dunkerque, vous ne nous avez accordé aucun soutien. En dénonçant le soi-disant égoïsme de nos alliés, le clan des Pétain et Végan poursuit un but peu honorable. Dénoncer la convention du 28 mars qui nous interdit toute paix séparée. Leur argument est bien rodé. Ce n'est pas nous qui violons notre parole. C'est la faute de l'Angleterre. Heureusement, Reynaud tient bon. Mais jusqu'à quand? Assiégé par les partisans de l'armistice, qui se comptent toujours plus nombreux, le président du Conseil est également sous l'influence de sa maîtresse, Hélène de Porte, fille d'industriel richissime, qui ne cache pas son anglophobie et sa préférence pour une entente avec l'Allemagne. Elle pousse son amant à renoncer à cette vie politique ingrate et à laisser le pouvoir à Pétain. Reynaud n'en souffle mot à De Gaulle, dont il connaît le caractère et la détermination. Mais il vacille. Le 13 juin, toutes mes illusions s'envolent. Dans la matinée, je parle longuement avec Reynaud et je ne décèle pas chez lui une once de renoncement. Mais quelques heures plus tard, je reçois un coup de téléphone. Un ami haut fonctionnaire m'avertit que Reynaud a demandé à Churchill de le rencontrer à la préfecture de Tours. Curieusement, je n'ai pas été convoqué. Un mauvais pressentiment m'assaille. Pourquoi ces cachotteries? Alors, je m'y rends. Le spectacle est effroyable. J'arrive au moment où Reynaud demande au Premier ministre quelle serait la réaction de la Grande-Bretagne dans l'hypothèse où la France renierait son alliance et solliciterait un armistice. Je suis sidéré. J'imagine que le vieux lion britannique va bondir, rugir, montrer les crocs. Mais non. Il a compris lui-même que tout est joué. Le cigare aux lèvres, l'air triste, il dodeline de la tête. Il dit que la Grande-Bretagne se battra jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. et d'un trait plein de grandeur, il assure qu'il rétablira la France dans son honneur en cas de victoire. Puis il se lève et s'en va. Tout est consommé. Le parti de l'armistice a triomphé. Mais enfin, vous vous résignez vous aussi à la trahison ? Rassurez-vous, général. J'ai seulement tenu à effrayer les Britanniques pour les forcer à nous prêter une plus grande assistance. Je vais démasquer les partisans de l'armistice et leur démontrer qu'ils ne pourront en aucun cas trouver une solution honorable. Sacrebleu ! Où allez-vous comme ça ? Je démissionne ! Ah non, vous n'avez pas le droit. Nous ne sommes qu'au début de la guerre, la France a besoin de vous. Depuis quelques jours, je mesure à quelle vitesse nous roulons vers l'armistice. Je vous ai donné mon modeste concours, mais c'était pour faire la guerre. Il faut gagner Alger au plus vite. Y êtes-vous ? Oui ou non ? Décidez ! Jamais je ne signerai l'armistice ! Jamais ! Vous m'entendez ? Allez dire à Londres et demandez le concours immédiat de la flotte anglaise pour nous transporter de Bordeaux à Alger. Vous avez enfin parlé comme un chef ! En quittant la préfecture, le général de Gaulle tombe sur le ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, favorable lui aussi à la poursuite de la guerre. Eh bien, de Gaulle, vous en faites une tête, que se passe-t-il ? Il se passe que j'ai une furieuse envie de rendre mon tablier. On ne sait plus ce que l'on veut au sommet. Je n'ai plus confiance. Je vous en conjure, général. Restez. N'insultez pas l'avenir. Restez. Alors je reste, mais la foi en berne. Il n'y a plus d'avion disponible. Comment vais-je pouvoir rejoindre Londres ? De Gaulle opte pour un bateau partant de Brest à destination de Plymouth. Le 14 juin 1940, les loups entrent dans Paris. Le gouvernement français, qui s'était replié à Tours, déménage à nouveau, pour Bordeaux cette fois. 10 millions de Français sont sur les routes, à pied, à cheval, à vélo, en voiture. Les paysans poussent leurs vaches devant eux, les hommes tirent des charrettes à bras, les femmes portent les gamins et traînent des poussettes bourrées à craquer. Et ils marchent, vers le midi, vers l'ouest, n'importe où. Exode lamentable de tout un pays qui fuit et s'effondre. Tandis que la voiture m'emmène à Brest sur des routes incroyablement encombrées, je demande au chauffeur de s'arrêter à Paimpont, à proximité de Rennes, où ma vieille mère se meurt. Je l'embrasse pour la dernière fois. Il est dur de mourir, mais il est encore plus dur de quitter le monde dans ces circonstances terribles. Alors je pose mes lèvres sur son front et je lui dis « Ma chère mère, je vous promets que cela ne se terminera pas par la défaite. La guerre sera longue, mais nous serons vainqueurs. » Elle esquisse un sourire, passe sa main sur ma joue et me regarde partir. Et moi, je ne pleure que lorsqu'elle ne peut plus me voir. Le 16 juin, à l'aube, à peine débarqué à Plymouth, de Gaulle fonce sur Londres, où il est attendu par un obscur fonctionnaire, un petit chauve à moustache, un inconnu qui répond au nom de Jean Monnet. Spécialiste des questions économiques, Jean Monnet lui présente un projet fou qui suscite immédiatement l'enthousiasme de Gaulle et ensuite de Churchill. Tous deux téléphonent à Paul Reynaud. Allô ? Monsieur le Président du Conseil ? Qu'a-t-il de Gaulle ? Vous sieriez-il de devenir co-premier ministre de la France et de la Grande-Bretagne réunies ? Je ne comprends pas. Il s'agit de faire de la France et de la Grande-Bretagne un seul et même pays doté d'un gouvernement commun. Alors, qu'en dites-vous ? Monsieur le Premier ministre, vous venez peut-être de changer l'histoire. Je m'apprête à réunir le Conseil des ministres et vous me donnez des moyens de pourfendre les partisans de l'armistice. Soyez-en remerciés. La confiance est revenue. Dans l'avion qui le ramène à Bordeaux, de Gaulle retrouve le sourire. Il ignore le drame qui se joue au même moment en Conseil des ministres. Messieurs, comprenez bien. En créant un seul et même pays, la France-Angleterre, la fusion de nos deux nations transformera la bataille de France en un simple épisode malheureux de la guerre. Il n'y aura donc ni défaite, ni armistice, et le combat va continuer. En somme, il s'agit de donner notre empire et notre flotte à l'Angleterre. Les Anglais veulent nous transformer en une colonie, oui. Mieux vaut vivre momentanément sous le joug des Allemands qu'éternellement sous celui des Anglais. C'est un mariage avec un cadavre que vous nous proposez là. Dans quelques semaines, l'Angleterre sera envahie et contrainte à la reddition. Non, je le déplore, mais il n'y a pas d'autre choix que l'armistice. Ouvrez les yeux, Reynaud, ou allez-vous-en. Bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Le 16 juin à 22h, l'avion personnel de Churchill, que ce dernier a prêté à De Gaulle, se pose à l'aéroport de Bordeaux. Le général, qui croyait à un ultime sursaut, découvre que Reynaud a démissionné et que Pétain, le chef du parti de l'abdication, l'a remplacé à la tête du gouvernement. Ma religion est faite. Il n'y a plus rien à faire ici. C'est à Londres, désormais, que l'on se bat. Mandette ! Vous, qui êtes un belliciste, venez avec moi. Je pars pour Londres à la première heure. Londres ? Non, je n'irai pas. Je suis tout comme vous décidé à continuer le combat, mais c'est à partir de notre empire que nous devons relever le drapeau tricolore que Pétain est en train d'abaisser. Je crains fort que vous ne fassiez un mauvais choix. À partir du moment où l'armistice sera signé, vous ne pourrez plus rien faire en France ou dans les colonies. Vous serez arrêté et ce sera tout. Non, il n'y a que Londres. Suivez-moi. Mes dispositions sont prises. Je pars pour l'Afrique du Nord. Alors, bonne chance, Mandel. Bonne chance à vous, De Gaulle. Nous nous retrouverons, j'en suis sûr. Georges Mandel passera effectivement en Afrique du Nord dans l'intention d'y continuer la lutte, mais il sera arrêté par la police aux ordres du gouvernement de Pétain et emprisonné en France. En 1944, à la veille de la libération, la milice le sortira de sa cellule pour l'exécuter dans la forêt de Fontainebleau. Je ne vois que des lâches et des fous dont les nerfs ont cédé. Bordeaux est un grand Titanic où toute la bourgeoisie s'est réfugiée, politique, industrielle et cocotte de luxe. Une atmosphère qui hésite entre kermesse et danse macabre. Ils n'en peuvent plus, ils applaudissent Pétain. Ils sont prêts à brader leur pays pour que tout s'arrête. Oh mon Dieu, il me semble que ma tête va exploser. Moi aussi, j'ai peur. Peur d'être arrêté sur le chemin de l'aéroport. Ils sont plusieurs à connaître mes intentions. Et si moi aussi j'étais trahi ? De Gaulle n'est pas arrêté. Le 17 juin 1940, à 9h du matin, il s'envole pour Londres, déterminé mais le cœur serré, avec pour toute ressource 100 000 francs de fonds secrets que Paul Reynaud lui a remis. Nous survolons La Rochelle où brûlent des navires incendiés par les avions allemands. Puis nous passons au-dessus de la forêt de Pimpon et je pense à ma mère que je ne reverrai plus. La forêt est fumante, on y brûle des dépôts de munitions. J'atterris à Londres dans un état d'hébétude. Que faire ? Où aller ? L'ambassade m'est déjà fermée, je suis un pestiféré, un rebelle que Pétain ne tardera pas à faire condamner à mort par contumace. Je m'apparais à moi-même seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait traverser à la nage. Le seul soutien au général de Gaulle ne peut venir que de Churchill. Bien entendu, le premier ministre britannique aurait préféré une personnalité de plus grande envergure, Paul Reynaud, ou bien encore le président de la République, Albert Lebrun. Mais il n'y a que de Gaulle. Il faudra faire avec. Ah. Alors, général, c'est donc vous, l'homme du destin, celui qui doit sauver l'honneur de la France. C'est moi, monsieur le premier ministre. Et j'ai besoin de votre concours. Je voudrais m'adresser aux Français par la voix des ondes, pour les inciter à me rejoindre et à continuer le combat afin de constituer une France libre. Qui s'opposera à la France de la trahison du maréchal Pétain. Bonne idée. Vous vous trompez. Il n'y a pas deux France. Il n'y en a qu'une. Celle qui reste debout. Oui, bien sûr. Vous aurez notre soutien, mais à une condition. Tant que Pétain n'aura pas commencé à négocier avec les Allemands, nous ne mettrons pas sa légalité en doute. Dès qu'il l'aura fait, alors, pour moi, ce sera vous, la voix de la France. Churchill n'aura pas longtemps à attendre. Au moment où il reçoit De Gaulle, au 10 Downing Street, dans l'après-midi du 17 juin, Pétain, à Bordeaux, est en train de prononcer un discours à la radio. Je fais à la France le don de ma personne pour en atténuer le malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Churchill donne alors carte blanche à De Gaulle. Rendez-vous est pris le 18 juin 1940 à la BBC pour le général rebelle. Le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Juin 1940, l'homme qui a dit non de Jean-Yves Naour avec Gabriel Dufay, Charles de Gaulle, Philippe Duclos, Paul Reynaud, François Kergoulet, Albert Lebrun, Georges Clès, Philippe Pétain, Gilles David de la Comédie Française, Maxime Weygand, Gérard Watkins, Winston Churchill, Pascal Collin, Georges Mandel, Bertrand Amiel, le perroquet de Churchill, et oui, et les voix de Stéphane Sestac, Aurélien Ouzinski et Xavier Girard. Prise son montage et mixage, Olivier Dupré et Émilie Couette. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur De Gaulle en 1940 avec mon invité, Jean-Yves Naour. I'm not running away. Water is running like I stay. Constant growing up. I'm not making this up. I'm not running away sur France Inter dans Le Temps n'importe l'histoire, l'émission réalisée par Hélène Bizio, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Maxime Ingrand. Jean-Yves Naour, avec ce scénario dont vous êtes l'auteur, nous avons tenté donc de reconstituer ces mois, ces semaines tragiques qui ont abouti à l'appel de Pétain aux Français le 17 juin 40, donc c'est cet appel à cesser le combat, tandis que le lendemain, donc le 18, à 20h15 précisément à Londres, le général de Gaulle prononçait son fameux appel qui va entrer dans la légende. Alors première chose, il faut le rappeler, ce qu'on a entendu, donc la voix même du général de Gaulle est extrait du discours du 22 juin, puisque l'appel proprement du 18 juin n'a pas été enregistré. Oui, et bien souvent, dans les mémoires, les témoignages, vous avez beaucoup de gens qui vous disent « Oh, le 18 juin, j'ai entendu De Gaulle, etc. » Ils l'ont peut-être entendu quand même. Oui, mais enfin, il n'y a pas grand monde qui écoute sur la BBC, sur les routes, ces 10 millions de gens qui sont en train de fuir, qui sont dans une panique indescriptible. Donc, effectivement, c'est un appel qui a été enregistré le 22 et qui a ensuite a été rediffusé à de nombreuses reprises. C'est sans doute lors d'une rediffusion que les Français en ont pris connaissance. Voilà. Donc le 22 juin, cet appel est un peu différent du texte du 18. Il a ajouté quelques modifications. Par exemple, le 18 juin, bon, c'est un texte d'espérance, de combat. Mais celui du 22, il est plus politique parce qu'il s'attaque au gouvernement de Pétain. Il parle d'un gouvernement de fortune. Donc en quelque sorte, il le considère comme illégitime. Il est déjà en train de dire en quelque sorte qu'il est la France, la seule légitimité. Ce que Winston Churchill lui avait interdit de faire en fait le 18 juin parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore signé l'armistice. Mais le 22 juin, on a signé l'armistice à Rotonde. Et donc, De Gaulle a les mains libres pour attaquer Pétain. Alors nous connaissons bien sûr la suite de l'histoire, nous savons que l'histoire lui donnera raison à De Gaulle, hein, que Hitler finalement sera vaincu, mais il faudra attendre plusieurs années et combien de morts. Mais le 18 juin 40, pour croire et dire que, je cite, la flamme de la résistance française ne s'éteindra pas, il fallait quand même être quoi, sacrément visionnaire ou illuminé, non ? C'est certain, il est vraiment seul, et même après cet appel du 18 juin, quasiment personne ne le rejoint. Donc vous avez cet homme seul, et pourtant, vous dites visionnaire, effectivement, et il a une idée claire des choses. Et ceux qui le rencontrent, ils n'en reviennent pas, parce que il leur dit « la guerre est déjà virtuellement gagnée ». Pour la Grande-Bretagne, parce que un jour l'URSS entrera dans la danse, les États-Unis entreront dans la danse, et on le voit bien dans l'appel du 10 juin. Il y a des forces supérieures dans le monde. Nous avons dans été l'univers, vaincus. Ouais. Voilà, nous avons été vaincus par une force matérielle supérieure à la nôtre, mais il y a dans l'univers des forces mécaniques supérieures. Il pense à quoi ? L'URSS, les États-Unis, et donc. L'Allemagne. Oui, il a une vision mondiale des choses. Il a une vision mondiale et ce non que pas n'ont pas nationale. Les hommes donc de ce gouvernement, Paul Reynaud, etc. Il y a quelque chose. On a l'impression donc qu'il y a les hommes du passé. Surtout Végan et Pétain. Voilà, qui n'arrive pas, et même Paul Reynaud d'une certaine manière, qui malgré toute sa bonne volonté n'arrive pas à vaincre, à dépasser ces clivages. Et puis des hommes nouveaux, De Gaulle, Jean Monnet aussi, ce petit homme chauve à moustache qui sera à Londres pour lui suggérer cette alliance avec la Grande-Bretagne. Jean Monnet, futur artisan de la construction européenne après la guerre. C'est quand même extraordinaire cette histoire. C'est vrai, c'est extraordinaire ce projet d'union des deux gouvernements français et britannique que suggère Jean Monnet. En même temps, Jean Monnet ne se rallie pas à De Gaulle immédiatement. Entre eux, le courant ne passe pas, donc il ne se ralliera à De Gaulle que plus tard. Mais en 1943, Jean Monnet va proposer un autre projet qui, là aussi, semble complètement visionnaire en plein milieu de la guerre. On est en 43. Il propose, une fois la paix revenue, qu'on mette en commun les ressources en acier, en charbon, parce que ce sont des ressources stratégiques. Et si on les internationalise, on n'aura plus les moyens nationaux de faire la guerre. Et c'est en fait le projet de la CECA qui verra le jour en 1951. C'est-à-dire qu'en 43, il vaut déjà un accord entre la France et l'Allemagne. Et oui. Alors oui. Que l'Allemagne, c'est encore Hitler. Mais oui, mais justement, pour en finir avec la guerre, nous allons internationaliser et nous allons construire l'Europe. Vous voyez, c'est dans la guerre que se construit un nouveau monde. Dans cette histoire, Jean-Yves Le Naour, il faut aussi rendre hommage à un homme qui, lui, n'est pas jeune, hein, c'est moins qu'on puisse dire, c'est même un vieux routard de la politique, c'est Winston Churchill. Peut-être que sans Winston Churchill, De Gaulle n'aurait pas pu faire cet appel du 18 juin. C'est étonnant, comme lui, Churchill a senti, malgré tout, il y a eu le sentiment, cette intuition d'avoir un homme particulier en face de lui. Il l'a même vu déjà quand il est venu en France avant la défaite, quand Churchill est venu rencontrer Paul Reynaud, etc. Il a vu De Gaulle et a dit, cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Il sent déjà que cet homme est différent, qu'il a un avenir politique. Oui, alors il le rencontre effectivement le 9 juin quand De Gaulle se rend à Londres pour tenter d'obtenir de lui une intervention plus forte de la Royal Air Force. Alors il ne l'obtient pas, mais ce sont les premiers contacts. Et effectivement, alors c'est pas que le courant passe, mais c'est qu'il a en face de lui quelqu'un qui veut continuer la guerre. Enfin, quelqu'un qui veut continuer la guerre et quelqu'un qui est ferme, qui est déterminé, alors qu'il sent que le gouvernement français, Paravolo, même Paul Reynaud, à un moment donné, il utilise les petites ficelles de la politique parlementaire en se disant, tiens, si Pétain me remplace, il verra qu'on ne peut pas faire l'armistice et donc l'option des capitulars sera effacée, je reviendrai. Enfin, vous voyez, il pense vraiment en termes parlementaires. Donc, il faut des hommes qui sachent agir, qui sachent penser, et voilà, effectivement, il aurait préféré que ce soit quand même Reynaud qui le rejoigne à Londres, que ce soit Albert Lebrun. Ou Georges Vandel, mais... Ben oui, il a un petit sous-secrétaire d'État à la guerre, c'est pas grand-chose. À titre provisoire. Mais on fait avec ce qu'on a. Inconnu des Français. Inconnu des Français, oui. Mais alors, Churchill, effectivement, c'est une personnalité qui a toujours été aussi très controversée hein, dans son camp. Et c'est une personnalité qui est justement en accord avec celle de De Gaulle. C'est vraiment la fermeté, celui qui n'a jamais dévié dans l'entre-deux-guerres, qui était dans l'opposition, enfin à la diplomatie d'appeasement, c'est-à-dire d'apaisement avec Hitler. Et lui, il a toujours affirmé qu'il fallait être ferme face à Hitler. Et donc, ces deux personnalités, finalement, s'accordent. Alors, ce qui semble assez incroyable toujours aujourd'hui, incompréhensible quand même, c'est que des hommes comme Pétain ou Weygand, des militaires, bon, certes d'extrême droite, mais censés défendre la France, qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, qui ont envoyé quand même à la mort des millions de soldats aussi. Comment se fait-il qu'en 40, ils ne font rien pour continuer le combat? Au contraire, ils vont se jeter dans les bras d'Hitler. Ça peut sembler incompréhensible. Est-ce que c'est uniquement, c'est de la sénilité, c'est politique? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose de juste tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez dit que De Gaulle voit la guerre comme une guerre mondiale. Eux, ils la voient comme une guerre nationale, c'est-à-dire que la bataille de France est perdue. Alors pour De Gaulle, une bataille est perdue, mais la guerre n'est pas perdue. Pour eux, la bataille de France est perdue, la guerre est perdue. Dans 15 jours, l'Angleterre, elle aussi, déposera les armes. On n'imagine pas un instant que l'Angleterre puisse résister à Hitler, puisque l'armée française était quand même considérée comme la première armée du monde, même si Hitler avait remilitarisé de façon très puissante son armée. L'armée française, c'était quand même auréolée de gloire. Bon, elle vivait peut-être là-dessus, mais donc on pensait que l'Angleterre, elle s'écroulerait très rapidement. Et puis, vous savez, il y avait cette dimension anglophobe qui voyait l'Angleterre comme un pays de boutiquiers, de ce qui fait que elle était incapable de résister à une guerre longue qui l'appauvrirait, qui la placerait dans une situation de pénurie. Non, on pense que Hitler a gagné. Et à partir du moment où il a gagné, eh bien, il faut mettre bas les armes, il faut négocier avec lui les conditions d'une paix la plus avantageuse et peut-être même collaborer avec lui puisque l'Europe sera allemande. Donc dans une Europe allemande, autant être le numéro 2, le second. Et voilà ce qui va expliquer comment on va passer de l'armistice à la collaboration. Merci beaucoup Jean-Yves Naour. Je signale donc que vous êtes l'auteur avec Claude Plumaille d'une BD, Charles de Gaulle, l'homme qui a dit non, qui est édité chez Grand Angle. Et également un livre de vous, Jean-Yves Naour, qui est sorti en mars dernier, Les oubliés de l'histoire, chez Flammarion. Autant n'importe l'histoire est terminée. Une émission à réécouter, podcastée sur notre site franceinter.fr où j'attends comme d'habitude vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À partir du week-end prochain, Autant n'importe l'histoire se met au vert. Place à la grille d'été de France Inter. Et donc, tous les dimanches à 21h, vous aurez rendez-vous avec Mélanie Bauer pour son émission musicale Back to Back. Quant à nous, nous nous retrouverons à la rentrée avec plein de nouvelles émissions, de belles fictions romanesques et historiques, Les Amants de Belfast ou l'histoire de Winifred Carnet, militante de l'indépendance irlandaise et suffragette, ou encore Mathilde, un polar très noir qui nous entraînera sous l'occupation au sein du détachement Valmy, le groupe d'action communiste chargé d'abattre les traîtres au parti. Mais dimanche 3 septembre, nous ouvrirons le bal avec la vie secrète de William S., qui nous conduira à Londres au XVIIe siècle sur les pas d'un auteur de génie, un certain William Shakespeare. Mais en attendant, n'oubliez pas de podcaster les émissions d'Autant n'importe l'histoire que vous auriez manqué et qui vous accompagneront, par exemple, pendant les trajets en voiture ou dans la chaise longue l'après-midi. Très bon été à tous. Mais pour l'instant, après le flash, bien sûr, cet état d'esprit de Noël Bréham. Très bonne soirée.